Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de la grande finale de la Ligue de hockey junior régional qui a débuté hier entre les Éperviers de Normandie et les Marquis de Jonquière. C'est une victoire des Éperviers à Jonquière 4-3 sur les Marquis. Donc le prochain match aura lieu demain soir à Normandie. Puisqu'il est question de la Ligue de hockey junior régional, Guillaume Gay a été reconfirmé dans ses fonctions à la barre des Sabres de Roberval pour la prochaine saison. Guillaume Gay qui a remplacé Patrice Gagnon durant la saison. Et du même coup, on a confirmé également le retour des Sabres de Roberval la saison prochaine. On sait qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui mentionnaient que les Sabres ne seraient pas de retour, qu'ils seraient annexés avec les Aiglons d'Alma. Or, avec cette décision-là, ça confirme que les Sabres seront de retour. En entrevue sur les ondes de danseresport.com, où il a fait le bilan de la saison, Guillaume Gay s'est dit évidemment très heureux de son passage à la barre de l'équipe la saison dernière. Depuis pour moi, puis j'ai adoré ma moitié de saison avec les Sabres. Je ne voyais pas en dehors du hockey pour un hiver complet. J'en ai mordu quand même pas mal de hockey. Des joueurs quitteront les Sabres, mais il y en a d'autres qui vont revenir, explique Guillaume Gay. On va perdre nos 3-21 ans là, qu'on avait cette saison. Okay. L'année prochaine, on a 21 ans, on a le droit d'en garder 4, fait que je devrais perdre 3 autres joueurs là. Mais en comptant visite là, avec le budget de Cosport et les Aiglons, ceux qui nous appartiennent, là, on aurait environ entre 7 et 8 joueurs qui sortent du budget 2B. Okay. Qui montrait plus peut-être un joueur ou deux du collégial là, qui sont sur notre territoire, qui s'en viendra à Roberval. J'ai pas commencé à parler encore avec les joueurs. Là. Je vais attendre que je me donne jusqu'au mois de mai là, à peu près là, pour commencer à faire des téléphones et à parler avec certains joueurs. Là. Parlons du multiconcessionnaire de Dolboom Sissini de la Ligue senior du Lac-aux-Fleurs qui vont jouer 3 matchs en principe en fin de semaine si nécessaire dans la série contre la Haute-Côte-Nord. On a parlé avec le président de l'équipe, Dave Girard, hier sur les ondes de danseresport.com. On a parlé un peu de la première saison du multiconcessionnaire. Dave Girard est très, très heureux de l'appui des commerçants dans le secteur. On va l'écouter là-dessus. Comme tu disais, on n'avait pas vraiment on était sur une planche à dessin. Les gens du milieu nous ont beaucoup aidés. Les commerçants ont été très, très généreux. Dans notre commanditaire officiel, l'unité concessionnaire, l'action Jean Dumas. Et puis, effectivement, comme tu disais, l'embûche là-dedans, que je pense. Dave Girard est également surpris de la réponse de la population dans le secteur. Je vais vous dire qu'on est très, très, très surpris de la réponse des citoyens ici, des gens de l'extérieur. Écoutez, on avait budgété à peu près, on se disait, si on avait 300 spectateurs, on était contents. OK. On était passé l'objectif, on a même doublé. Moi, je m'attends qu'en série, surtout en fin de semaine, qu'on dépasse le 800 facilement. OK. Sur l'an prochain, Dave Girard s'attend à avoir une meilleure formation. Effectivement, on a eu des contacts avec certains joueurs. C'est sûr qu'au début de l'année, beaucoup de monde se demandait qu'est-ce que ça allait devenir comme ligue. Ça allait pas être une ligue de clown, comme en parenthèse, on dit. Ouais. Les gens ont vu, je pense, qu'il y avait quand même du sérieux. Il y a pas rien que de la bagarre comme il y a quelques années. Fait que oui, effectivement, moi, je m'attends que l'année prochaine, Delbeau en meilleur club avec l'ajout de certains joueurs et même les autres clubs parce qu'ils voient que c'est le sérieux. En terminant la grande série finale du niveau Bantam entre les Hurricanes de Mastouillache et les Patriots de Saint-Bruno va commencer demain à Saint-Bruno. On a parlé avec l'instructeur-chef Hugo Maltais hier et Hugo Maltais évidemment parle que les Patriots de Saint-Bruno ont une très grosse formation. C'est une très, très, très, très bonne équipe là. OK. Écoute, ils ont fini premier, puis pas par chance. Là. Ils ont mis sur une attaque, assez redoutable. Ils sont très, très forts à l'attaque. Sont bons d'un but. Okay. Il y a peut-être au niveau, moi personnellement, dans mon évaluation, j'ai toujours trouvé que la défensive des Patriotes était correcte. Mais c'est pas par le défensif nécessairement que ils vont gagner. Là. C'est vraiment par deux bons gardiens de but puis une attaque redoutable. Puis ils ont la caractéristique d'être 14. Ils ont 14 deuxième année. Là. Donc c'est un club qui est vraiment à maturité à 14 deuxième. Oui, vraiment. Là, l'année passée, ces 14-là étaient C'était Bantam 2B, puis ils ont fini. J'invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Il y a plusieurs entrevues. D'abord, on a parlé avec Jacques Doucet sur le décès de Rusty Staub. Pierre Gay vient de faire le bilan de sa première année à titre de président de la Ligue JMS. Également, Hugo Maltais vient nous parler de la semaine du hockey mineur à Robertval, également de la série entre Mastouillache et Saint-Bruno. Et vous pouvez également écouter le président du multiconcessionnaire de Boumsassini, Dave Girard. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com, la référence du sport, on s'en occupe.